Cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On a commencé ensemble hier, walillahi alhamd, la lecture de hadha al-fasl al-muhim, ce chapitre très très important, aïe, des ahadith عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات. فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم. أي وذلك أي دي أحاديث sur الصفات. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Le premier hadith qu'il a cité rahimahullah ta'ala fi as-sifat, c'est sur an-nuzul, ay an Allah azza wa jal il descend ila as-sama'i dunya. Il descend jusqu'au premier ciel le dernier tiers de chaque nuit. Thumma yaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Ça c'est un dalil كذلك an Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. C'est un dalil sur l'attribut de la parole. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul man yad'uni fa astajibu lah. Ay qui c'est qui m'invoque fa je lui réponds. Qui c'est qui me demande fa je lui donne. من يستغفرني فأغفر له. Et qui c'est qui me demande pardon, je lui pardonne. Al-Hadith, il est في الصحيحين. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق أهل السنة والجماعة. واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق. Dans cette nusra, on avait le dhamm, le fi'l, le mabni, le majhoul, le tufiqa, le yadhar, le tafaqa, parce que le fa'il, il est cité juste après, ahl sunna, le man tafaqa, c'est ahl sunna, fala'alla al-adhar, c'est le tafaqa, bi fathi atta. فان ريبيت قال رحمه الله واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق اهل السنه والجماعه بل جميع المسلمين الذين لم يغيرهم لم تغيرهم البدع. Donc هذا الحديث qui est dans صحيح البخاري صحيح مسلم et bien sûr dans d'autres livres اهل السنه ولله الحمد ils sont unanimes que ce hadith il est authentique et ils sont unanimes كذلك sur le fait d'accepter هذا الحديث et d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu, il descend azza wa jal, il descend toutes les nuits au dernier tiers. Ça nous montre que c'est une sifa fi'liya muta'alliqatun bil mashi'a, et Allah subhanahu wa ta'ala هذا الفعل, cette action et le fait de descendre, il accomplit هذا النزول toutes les nuits au dernier tiers. قال رحمه الله بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع بل tous les musulmans ils acceptent هذه الصفة sauf ceux qui ont changé, sauf ceux qui ont délaissé la voie de la vérité à cause des bid'a. Ça nous montre que la plus grande cause d'égarement c'est al-bid'a. C'est le fait d'inventer fidin Allah Azza wa Jal. C'est le fait de ne pas s'accrocher au texte. C'est le fait d'essayer de comprendre son din, que ce soit un verset du Coran al-Karim ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans revenir à la compréhension de ceux qui nous ont précédés. Min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa a'immatil huda. هؤلاء جميعا ils ont compris min qawlihi yanzilu rabbuna il est sama et dunya, en Allah Azza wa Jal il descend le dernier tiers de chaque nuit. Sauf ceux qui ont été changés à cause de al-bida' ou al-dalal, ceux-là, ils prétendent, comme ça y est, Inch'Allah ta'ala, que Allah Azza wa Jalla ne descend pas. Ils disent, hey, c'est un ange qui descend. Ou c'est l'ordre d'Allah qui descend. Harrafou, hadha al-hadith. Ils ont déformé le sens de ce hadith. Wanharafou, ils se sont égarés. Wakhalafou, sabil al-mu'minin. Et ils ont délaissé la voie des croyants. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux. قال وعرفوا به عظيم رحمة الله وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وسعة جوده واعتنائه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية لأن الله عز وجل قال من يدعوني فأستجيب له كي سكي ما بك فجو لوي ريبون هكذا قال عز وجل كي سكي دموند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى il exauce son dua. Qui c'est qui demande pardon à Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Enfin, ça montre, comme a dit le Cheikh Sa'di rahimahullah, « Azimu rahmatillahi subhanahu wa sa'adjoudih » Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est généreux, et il est rahim. Il fait miséricordieux à qui il veut, subhanahu. Et ceux qui lui demandent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. « Qala wa anna nuzulahu haqiqatan kayfa yasha » هذا سي امبورطون ان النزول سي نزول حقيقي اي سي الله سبحانه وتعالى lui même qui descend لماذا لان الله عز وجل قال ينزل او لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم الى انفورمي ان الله عز وجل descend وهذا القول سي من الوحي كما تقدم معنا لا السنه du prophète عليه الصلاه والسلام ça fait partie de la révélation وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقال عز وجل وانزل الله عليك الكتاب والحكمه هذا مما انزله الله سبحانه على نبيه عليه الصلاه والسلام ça fait partie de la hikma ça fait partie de la sunna فالنبي صلى الله عليه وسلم nous a informé ان الله عز وجل descend فنقول ان الله عز وجل descend et هذا النزول c'est un nuzul حقيقي on n'a pas le droit de l'interpréter, de le déformer. Et ça, c'est important. Et ne surtout pas comparer ce nuzul avec nuzul al-bashar. Et se poser des mauvaises questions, et se poser des questions dont tu n'auras pas la réponse, et personne n'a la réponse. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'invisible. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a informé annahu yanzil, annahu il descend. Le dernier tiers de chaque nuit. Il ne nous a pas informé anil kayfiyya, le comment. Faqif, haythu, waqafa, as-salaf. Arrête-toi où que les salafs se sont arrêtés. Fatuthbit al-nuzul, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Et tu as la ferme conviction, Allah azza wa jalla il descend chaque nuit, le dernier tiers. Et tu t'arrêtes là. Amma al-kayfiyya, Allahu a'lam. Falihada qala al-shir sa'di, kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala il descend comme il veut. Il descend comme il veut et c'est pas comme al-makhlouq. Ça fait partie de ilm al-ghayb pour nous. قال فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك. Et ça c'est خلاصة منهج السلف الصالح في الصفات. Il a lakhas rahmatullah alayhi la voix des salaf en une phrase. قال كما يثبتون جميع الصفات. Al-Ithbat. On fait Al-Ithbat. Et on affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité comme nom et attribut. Et kadhalik, on accepte ce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité comme nom et attribut. C'est pour ça que قال التي ثبتت في الكتاب والسنة. Donc tu as Al-Ithbat et tu as les deux sources. Al-Qur'an wa sunna. ثم قال ويقفون عند ذلك. يقفون عند ذلك أي كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت أي tu crois à la sifa et bien sûr cette sifa on connaît le معنى on connaît le sens pourquoi parce que النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن الله ينزل et le mot نزول le fait de descendre on sait c'est quoi en langue arabe un نزول c'est pas الصعود c'est pas le fait de monter. Donc c'est un nuzul haqiqi, nu'min bih. Et on arrête, on s'arrête ici. On s'arrête ici, ça veut dire qu'on ne fait pas de takif. On ne cherche pas le comment. Il y en a, on ne le connaît pas. La shak, et on l'a déjà cité kathira, annahu, il y a un comment, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute qu'il y a un comment là, que nous, on l'ignore. Les manas, là, on n'a aucune information. Donc, on s'arrête. Kadhalik, on s'écarte du tamthil. Les manas, là, Allah Azzawajal, laïssa kamitlihi shay. Fanaqif. On ne dépasse pas les limites en faisant une comparaison, iyadun billah, et en pensant que al-nuzul, c'est comme nuzul al-makhluq. Kadhalik, on ne fait pas de tahrif. On fait pas de tahrif. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète alayhi salam, قال, yanzilu rabbuna, on dit yanzilu rabbuna. Amma dire yanzilu amru rabbina, ou yanzilu malakun min al malaika, tout ça c'est du tahrif. Li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, si c'est un ange qui descend toutes les nuits, le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous aurait informé que c'est un ange. Si c'est amru Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aurait informé que c'est l'amr. Wa hakada. Et bien sûr, on ne fait pas de ta'til, on accepte. Fahadihil jumla, elle est mufida, mukhtasara, tayyiba, et ça nous montre quwwat hadha al-imam. Aïe, al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Ses shuruhat et ses livres, on en a étudié plusieurs, walillahi alhamd. Kalamuhu, en général, il est mukhtasar. Il est très résumé. On dirait hadha al-Sharh al-Wasiti, en quelques pages. Et ta'ammal al-Kalam, comme il est qawi, et comme il est mufid. Limad alay annahu. Il maîtrisait la langue arabe, il maîtrisait les textes du Coran et de la Sunna. C'était un salafi ou al-aqida ou al-manhaj, rahmatullah alayh. Kutubuhu, c'est des livres très très bénéfiques. Valéa, on conseille d'aïman nos frères de donner de l'importance aux livres de Hada al-Alim, de ce cheikh, Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, des livres très très résumés et très simples. Il explique aqidat ahl sunna et manhaj ahl sunna de la façon la plus simple et avec un kalam qawi rahmatullah alayhi. قال فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون هذا تقدم ويقولون ان الرسول اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé d'une chose, il nous a pas informé d'une autre. On accepte ce qui nous a informé, ce qui nous a pas informé. Nous fawwid dhalik ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que as-salaf il faisait du tafwid lakin fi al-kayfiyya. Pas comme ils ont compris ba'd al-juhal ou ba'd man ma wuffiq an at-tafwid c'était fi al-ma'na. Dans le sens. Là, le sens on le connaît. Fa li hadha qala akhbarana annahu yanzil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait en arabe et il nous parlait pour qu'on comprenne. La preuve, on a compris tout le hadith. Pourquoi on ne comprendrait pas le début? Les ahlou dhalal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent là, hada c'est min al-mutashabih. Et pourquoi la suite, on la comprend? Là, ça c'est min al-hawa. Le hadith, il est clair, on l'accepte et on le comprend. Lakin al-kayfiyya, le comment de ce nuzul, Allahu a'lam bih. Et on s'arrête, on a. Qala. وقد علمنا انه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير. Et ça, c'est un tambih important. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressemble pas à la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend chaque nuit, le dernier tiers. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut. Fallait mal à comparer. Ces comparaisons, elles sont graves. Les anabardoum, ils ont fait des comparaisons. Thumma, à cause de ces comparaisons, et dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il descend, est-ce que le arche reste au-dessus, amla, est-ce qu'il rentre dans la créature, amla, et tout ce que là, ça les a poussés à rejeter. Il y en a certaines explications, là, je sais que c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas à l'intérieur de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Thumma stawa ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ali, il est au-dessus, toujours au-dessus. Et ma'ahada, il descend le dernier tiers de chaque nuit. Et tu t'arrêtes là. Mais si tu viens à réfléchir, en tant que makhlouq, en tant que créature, et tu compares à la créature, tu auras des questions dont tu ne pourras jamais te débarrasser. Wa nas'alullah al-thabat. L'être humain, s'il est au-dessus d'une maison et il descend, mathalan, là, chakannahu, il est plus au-dessus. C'est un être humain, il descend. Thomas, s'il descend de cette maison, il va être à l'intérieur de la maison. Il a après. Ça, c'est des caractéristiques d'être humain. Iyak wa iyak. De penser que nuzulullah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Tu vas te faire beaucoup de mal. Et, iyadam billah, c'est une cause d'égarement. Comme ils se sont égarés. C'est pour ça que, l'imam Nutaymiyyah, rahimahullah, au début de cette aqidah, avant de citer toutes ces preuves, il nous a cité un manhaj clair. Un manhaj clair. أن أهل السنة لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. وقال عز وجل ولا يقاس بخلقه، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيل وأحسن حديثا، وهكذا. فسي دي ريغل، أي حتى أنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى on s'accroche à ces règles. Et toutes ces preuves qu'on étudie ensemble, on doit les comprendre avec cette compréhension. أي la compréhension des salaf. قال رحمه الله ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى ستة الثمرة. أي si tu connais ce hadith, tu l'as compris et tu as cette conviction أن chaque nuit Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers avant le fajr, ويقول chaque nuit هذا من يدعوني فأستجيب له. C'est qui m'invoque ou qui me demande et je lui réponds. Qui c'est qui me demande pardon, je lui pardonne. Chaque nuit. Hada, normalement, ça doit nous pousser à faire des efforts pour faire partie de ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala fi hada al-waqt. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Al-ghafla fi hada al-waqt, c'est pas tayyib. On a tous des faiblesses, lakin, vu que walillahi alhamd, c'est chaque nuit, enfin le taqsir qu'on a eu dans le passé, les manquements, combien de fois on a manqué ce moment, enfin on essaye de se rattraper. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite pour le restant de nos jours. Qala khashi'in da'in avec hadhihi al-awsaf. Et vu que ce moment, c'est un moment de lutf, comme a dit le Cheikh Sa'di, les al-taf rabbihim. وَمَوَاهِبِهِ أي الله سبحانه وتعالى الرحيم et il donne beaucoup à ce moment et il répond. العبد il doit faire des efforts. فلهذا قال فيقومون أي ça c'est l'état du croyant sincère qui fait des efforts à ce moment. فيقومون بعبوديته أي c'est une adoration que pour Allah سبحانه وتعالى. خاضعين خاشعين أي avec sincérité. المؤمن il se recueille, il se concentre. Da'in mutawarri'in. Et à ce moment, toutes les demandes que tu as, fais-les, akhi al-karim. Fais-les. C'est dans ces moments qu'on doit, on doit demander. Wa'ad an-nas, ils se rabaissent, ils tendent la main à des personnes, et peut-être que cette personne, elle te donnera rien. Peut-être qu'il va t'humilier. Peut-être, il y a takabbur alayk. Etc. Amma, ce moment, c'est un moment pour te rabaisser. Pour demander avec humilité, tu demandes à Allah Azzawajal Al-Karim qui donne tout, qui répond ou qui donne à celui qui veut et qui répond à celui qui veut. Allah subhanahu wa ta'ala il donne sans compter. Hadha al-mulk mulko, demande-lui. Qala khashi'in da'in, ay ils font du'a, mutadarri'in yarjouna minhu husoula matalibihim, avec cette niya kadhalik. Quand tu te lèves et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment, avec recueillement, avec humilité, avec sincérité, كذلك, tu dois être sûr qu'il te répondra. Et il te répondra. Il te répondra fi dunya, ou il te répondra yawm al-qiyamah. Ala kulli hal, quand tu fais du'a, tu es gagnant. Sans compter les hasanats que tu as, parce que c'est une adoration. Enfin, on doit avoir hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis, wa wa'aduhu al-haq, qala man yad'ouni. Ça, c'est un khabar min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit hada. Man yad'ouni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq azza wa jal. Donc, on ne doit avoir aucun doute. Demande tout ce que tu as besoin. Que ce soit pour ta dunya ou pour ton din. Et demande les choses les plus importantes. Demande le jannah, demande la guidée, demande le rahmah, demande qu'Allah te pardonne. Qala. التي وعدهم إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن وعده حق. أي la promesse d'Allah سبحانه وتعالى c'est la vérité. Allah سبحانه وتعالى il a promis celui qui lui demande. Il lui donne. Enfin demande. فلهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى une كلمة célèbre وجميلة أنه كان يقول لا يهمني الدعاء لا يهمني الدعاء. Est-ce qui le préoccupait, c'était pas c'était pas, ou plutôt la yahumuni al-istijaba. Ce qui le préoccupait, c'était pas est-ce qu'Allah va lui répondre, M'la. Ça montre. Il était sûr que quand il demande à Allah Azzawajal, Allah il lui répond. Lakin, kana yahumuhu ad-du'a. Nous, le problème, c'est pas est-ce qu'Allah va nous répondre, M'la. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ses serviteurs. Bien sûr, s'ils sont sincères, etc. Al-mushkila, c'est qu'ahyanan, on oublie de faire ad-du'a. Maintenant, le problème, on ne doit pas se poser la question, est-ce que le dernier tiers de la nuit, Allah il va nous répondre? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Ce moment, il répond à ceux qui l'invoquent. Et ça englobe tout le monde. Qal man, ça se met al-fard, al-umum. Bien sûr, avec les conditions de dua, que ce soit un musulman qui soit sincère, etc. Enfin, celui qui a ces conditions, ça englobe tout le monde. Il n'y a pas de différence entre une personne et une autre. Donc, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, kana yaqul, alladhi Et ce qui le préoccupait, c'est de penser à faire dua. Si tu fais dua, Allah subhanahu wa ta'ala karim, il aime répondre. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala azza wa jal, amman yujibu al-muttar idha da'a. A ilahum ma Allah. Ça nous montre qu'Allah azza wa jal, il répond. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mujib. C'est lui qui répond aux invocations. Lakin, on doit faire des efforts pour faire partie de ceux qui invoquent. Madalène, notre préoccupation, ça doit être de faire partie de ceux qui se lèvent à ce moment. Walou qalilan. Walou qalilan. Wahed, Madalène, il ne peut pas se lever pendant une longue période où il est fatigué, où ça arrive un jour, il ne s'est pas levé. Walou, si on ne s'est pas levé un jour, enfin, ça ne doit pas être toujours. Et Kadalé, si on n'arrive pas longtemps, walou, une petite durée. Walou, Wahed, il fait dua pendant 10 minutes, un quart d'heure, il est à la khair, azim. Peut-être que ces 10 minutes, ce quart d'heure, ça peut être la cause que Allah subhanahu wa ta'ala il te sauve et il te guide. قال رحمه الله ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم et كذلك هذا ça nous fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala il répond aux mu'min. C'est pour ça qu'on a cité daiman al-qaid, celui qui est sincère, celui qui se lève à ce moment, celui qui fait dua, etc. Et certaines choses, c'est un obstacle entre l'abd et le fait que sa dua, ou son dua, il soit exaucé. Az-Zunoub. Ahyanan, ce qui nous fait du mal, c'est Az-Zunoub. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Et il donne, lakin ahyanan, kathrat Az-Zunoub. Le cœur, il durcit. Et l'insan, il demande, et son dua, il n'est pas exaucé. Kama ja'a fil hadith. Fa anna yustajabu lah. Fil hadith, anna rajulan ash'ath aghbar. فيقول ربي يطلب أي من الله يا رب يا رب ومطعمهم حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. Ça c'est قول النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن parmi les causes que le dua il est pas exaucé, c'est le fait de manger du haram, le fait de s'habiller avec le haram. الذنوب. الذنوب c'est un obstacle entre Al-Abd et le fait que son dua il soit exaucé. Amma, celui qui fait des efforts, yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, khasatan ces moments où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce kathiran, fahada, il doit avoir un husn al-dhan billah, et Allah subhanahu wa ta'ala il lui répondra. Qala fayajma'una bayna al-khouf wal-raja. Hakada notre hal, il doit être fi dua. Daiman entre le khouf ou le raja. Et on espère et on est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala va nous exaucer notre dua. Et كذلك نخاف في جانب آخر نخاف. Et dans le même moment, on espère et كذلك on a peur, on craint que le dua il n'est pas exaucé à cause de nous. Amma Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, il est généreux, il donne sans compter. Amma peut-être que le problème il vient de nous. Donc دائما on doit être هكذا بين خوف ورجاء قال ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيمان لربهم ومن التصديق والإيقان نعم الإيقان أي اليقين هذا كلام جميل ده الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a cité مذهب أهل السنة dans par rapport à hadhihi as-sifa et an-nuzul, on doit croire. Pourquoi? Parce que le hadith il est sahih et il est clair, sans faire de tamthil, sans faire de takif, etc. Et on s'écarte du tahrif. Thumma, il a démontré que c'est un nuzul haqiqi. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend C'est un nuzul haqiqi et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Thumma, il a cité rahmatullah alayhi, al-thamara, ay, le fruit, si tu crois en hadha al-hadith, hadha al-wasf, ça doit pousser le mu'min à mettre en application. Baqiya qawl ahl al-bid'a fi hadha, ay, al-mu'attila, al-jahmiya wal-mu'tazila, comme à taqaddam, ils ont rejeté tous les attributs. Wa wa'd al-dullal, الأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل التحريف إذن ديفورمي قال الشيخ أو نعم نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أفضل الشروح في رد شبهات أهل الأهواء dans les صفات أي son شرح الواسطية avec un كلام simple et clair il répond aux ambiguïtés de ceux qui ont rejeté les attributs ou qui les ont déformés قال رحمه الله بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله هنا نزول الله نفسه أي après avoir cité الحديث من يدعوني فأستجيب له من يسألوني إلى آخره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال celui qui lit ce hadith et qui comprend ce qu'il lit et qui se concentre qalilan, il n'aura aucun doute que c'est Allah qui descend. قال رحمه الله ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه فهو له لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه لأن هناك من حرف الحديث. Et ça, c'est un تنبيه أن à la base, on n'a pas besoin de dire bidhati. Allah subhanahu wa ta'ala yanzil bidhati. On n'a pas besoin. Dans le hadith, c'est clair. Qala alayhi sallallahu alayhi sallam yanzilu rabbuna. Allah y descend. Donc, on n'a pas besoin de dire bidhati. Bidhati est lui-même. Dans le hadith, Allah y descend. Donc, c'est clair. Lakin, ba'd al-ulama, ils ajoutent hadhihi lafza et ils disent yanzil bidhatihi. Limada? لأن certains parmi les égarés ils ont prétendu que c'est pas Allah qui descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit yanzil rabbuna, il a voulu dire ou le sens pour eux c'est yanzil rabbuna et yanzil amru rabbina ou un ange. Mouhim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne à une chose de descendre. Enfin, ils ont déformé. Ils ont rajouté bidhat. Wal amr sahl. Si c'est pour clarifier, fala bas. Qala wa qalu alladhi yanzil amrullah. Wa qala akharun bal alladhi yanzil rahmatullah. Wa qala akharun bal alladhi yanzil malakun min malaikatillah. Donc on a trois interprétations. Parmi les interprétations des égarés, al-sha'ira et ceux qui les ont suivis ou qui les ont précédés dans cet égarement. Ba'dhum ils disent c'est l'amr qui descend. Et c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Ba'dhum ils ont dit c'est ar-rahma, c'est la miséricorde d'Allah azza wa jalla qui descend. Et d'autres ils ont dit c'est un ange parmi les anges qui descend. Qala Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah wa hadha batilun. فإن نزول أمر الله دائما وأبدا ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. Le fait de dire que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend en se basant sur ce hadith et à ce moment le dernier tiers de la nuit, هذا c'est complètement faux. Pourquoi? قال شيخ ابن عثيمين فإن نزول أمر الله دائما وأبدا. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il descend que le dernier tiers de la nuit? كذلك, est-ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala il descend que jusqu'au premier ciel? Il descend pas jusqu'à sur terre. Ah là, ça montre que c'est un kalam batil. قال شيخ ابن عثيمين قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. انظر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. L'amr il descend jusqu'à l'ard, jusqu'à la terre. أما dans le hadith ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. Et jusqu'au premier ciel. Enfin, pourquoi interpréter le nuzul d'Allah par l'ordre, alors que l'ordre, il n'est pas limité au premier ciel, et l'ordre, ce n'est pas limité qu'à l'aller au dernier tiers de la nuit. Ça nous montre là que c'est complètement faux. قالوا أما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. ثم ceux qui ont prétendu que ce qui descend c'est الرحمة c'est la miséricorde d'Allah عز وجل, الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال est-ce que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala elle descend que le dernier tiers de la nuit? Ça veut dire que le début de la nuit elle descend pas, ça veut dire que la journée elle descend pas. Ayyadun billah. Enfin, eux s'ils disent lakin la rahma elle descend, on dit que la rahma elle descend toujours. Enfin, pourquoi alors spécifier dans le hadith qu'elle descend que le dernier tiers de la nuit? Ça sert à quoi? Ça nous montre que al-murad huna c'est pas rahma, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. قال الشيخ ابن عثيمين قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Chaque ni'ma c'est min Allah. Est-ce que tu reçois des ni'ma que le dernier tiers de la nuit? Là, tu peux recevoir une ni'ma en pleine journée, c'est min Allah. Et là, chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des ni'ma à ses serviteurs nuit et jour. Enfin, ça nous montre à que c'est pas ar-Rahman. Qala, kullu ni'm min Allah, wa hiya min athar rahmatihi. Thumma qala, thumma naqul, ayyu fa'ida, lana binuzul ar-Rahman ila s-sama'i d-dunya. Kadhalik, elle est où la faïda? L'être humain va profiter en quoi si le rahma elle descend jusqu'au premier ciel? Et nous, on habite sur terre. Hal hadha yu'qal? Rahmatullah subhanahu wa ta'ala, elle descend sur terre et partout. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc hadha, ça nous montre que c'est faux. Thumma naqul. Troisième réfutation. Donc on a fini la réfutation sur l'amr, l'ordre. ثم la réfutation sur الرحمة, la miséricorde. Troisième point. ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته هل من المعقول أن الملك من ملائكة من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له. Ceux qui prétendent que c'est un ange qui descend. فهل يعقل? Est-ce que واحد qui a la foi et qui a la raison parmi les croyants, est-ce qu'il va penser qu'un ange, il va dire « Man yad'ouni fa astajibu lah » Qui c'est qui m'invoque, je lui donne. Qui c'est qui me demande pardon, je lui pardonne. Un ange, il ne peut pas dire « Hada » Ça, c'est « Min khasa'isillah » Hada, c'est « Min aqwal adillah » Anna an-nuzul, c'est « Nuzulullahi subhanahu wa ta'ala » Et « Anna al-qa'il » c'est « Allah azza wa jal » Donc, celui qui descend, c'est « Allah subhanahu wa ta'ala » Qala فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. كذلك les anges, est-ce qu'ils descendent jusqu'au premier ciel فقط? Il y a des anges, ils descendent sur terre. Ils sont descendus et ils ont combattu avec le prophète عليه الصلاة والسلام et les compagnons le jour de Badr. Jibril est descendu plusieurs fois sur terre. Combien d'anges ils descendent salat al-subh, salat al-asr et ils remontent comme c'est dans des hadiths? Est-ce qu'ils descendent jusqu'au premier ciel? Ils descendent sur terre. Ah là, ça nous montre que celui qui s'écarte de la vérité se contredira. Quand on lit « Nahnu wa lillahi l'hamdi » et on a accepté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est revenu aux savants et on a compris ce sujet « wa lillahi l'hamdi », ça paraît simple. « Lakin at-tawfiq c'est biyadillah » C'est vrai que c'est très très simple. Quand tu réfléchis un peu et tu étudies le sujet, tu comprends vite que c'est complètement faux. « Lakin » des gens qui ont beaucoup beaucoup de « ilm » par rapport à nous surtout, ils ont fait cette interprétation. L'imam Aliana, celui qui s'écarte de la compréhension des salafs et se pose les mauvaises questions, فيقع في هذا وأشد. قال ووالله ليس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a juré Annaha Ula, ils n'ont pas plus de ilm que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaissait le mieux Allah Azza wa Jal. Et kadhalik, ils n'étaient pas ansah pour l'ibad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il voulait le bien pour la umma. Il leur a montré ce qu'Allah lui a révélé. Annaha Ula, c'est comme s'il disait là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas montré ce qui descend véritablement. Et nous, on va montrer. Hada lisan halihim iyadan billah. ثم قال شيخ ابن عثيمين يقولون كيف تقولون إن الله ينزل إذا نزل أين العلو وإذا نزل أين الاستواء على العرش إذا نزل فالنزول حركة وانتقال إذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث انظر الشبهات. C'est pour ça que se poser les mauvaises questions c'est très très grave. Pourquoi Salaf radiallahu anhum, ils n'ont jamais posé ce genre de question? Vous vous rappelez la question de cet homme qui a dit à l'imam Malik, Kayfastawa? Comment Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé sur son trône? L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il s'est énervé. Il a commencé à suer tellement il n'avait pas l'habitude de ce genre de questions, et tellement qu'il a su directement la gravité de la question. Comment Wahid, il lui demande, il ose lui demander sur un comment des attributs d'Allah azawajal. Falihada l'imam Malik, il lui a répondu avec la célèbre réponse qu'on a citée plusieurs fois, Thumma amara bi ikhraj. Il a ordonné de faire sortir cet homme du masjid. Et c'est pour fermer la porte et pour montrer à tout le monde que c'est pas toutes les questions qui se posent. On fait attention à ça, c'est min mabadi al-kuffar. Ça fait partie des principes des kuffar, ils posent toutes les questions comme des journalistes. Ils ont aucune limite. Hatta ba'dhum, ils ont une maqoula célèbre. Ils ont un célèbre dicton ou proverbe, ils disent il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Ça, c'est bâtel. Il y a des mauvaises questions, heureusement. Le fait de demander sur un attribut, c'est une mauvaise question. Laquelle, ces principes, ils sont répandus. Et tu peux poser toutes les questions. La réponse, peut-être qu'elle va être mauvaise. Laquelle, la question, tu n'as pas de limite. Ça, c'est grave. Salaf, ils ont fermé cette porte. Faut t'as même ces questions par rapport à l'istiwa. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité leur choubah. Ils disent, vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala yanzil. Vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala il descend. On voit déjà la question. Ils disent, taqouloun, vous dites. C'est pas nous qui disons, c'est le prophète alayhi sallam. Qala ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yanzil rabbuna. Et le hadith, il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et les musulmans, ils acceptent ces deux livres. C'est les livres les plus authentiques après le Coran al-Karim. فتقولون إن الله ينزل إذا نزل أين العلو؟ Première شبهة. S'il descend, ben vous avez dit qu'Allah il est au-dessus. Pour eux, il y a une contradiction. مع أن c'est des menteurs. لأنهم كثير من هؤلاء ils ont rejeté العلو. Ils ont rejeté العلو كما تقدم معنا. Certains ils disent il est pas au-dessus, il est pas en dessous, il est après. Certains ils disent on sait pas c'est quoi العلو, ils ont fait du tafouin. مهم. الأشاعرة se sont égarés في هذا. Donc, la question c'est comme s'ils ont accepté Al-Ulu, comme s'il y avait une contradiction, alors que pour eux, à la base, il n'est même pas au-dessus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi ils ont pensé qu'il y avait une contradiction? Les Anna, Huna, ils ont fait du tamthil. C'est pour ça que la première étape de chaque égaré, Fussifat, c'est Al-Tamthil. Ils ont fait ressembler à Allah la créature. Il y en a une créature, c'est vrai, si tu descends, tu es au-dessus de ta maison, maintenant sur ta terrasse, et tu descends, tu n'es plus au-dessus. Tu es en bas. Ça, c'est logique pour un être humain. Lakin fi haqqillahi azza wa jal, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala qal laysa kamithlihi shay. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Anahu istawa 'ala al-'arsh, yanahu al-'ali al-'azim, il est au-dessus et il nous a informé anahu il descend. Et taqaddam ma'ana anna fi bab al-akhbar, il y a pas de nasr. On peut pas parler d'abroger, abrogeant, il y a pas min hada. Le verset, il est sur le Coran. Le hadith, il est dans le Sahihain. On peut pas dire ce hadith, il est daïf et on fait passer le verset avant. Abadan. Donc, il reste quoi? Il reste que tu dis Allah, il est au-dessus et Allah, il descend et il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction pour le mu'min. Mais si un kafir, il entend hadha al-kalam, il va dire, ah, oula, ils ont perdu la raison. Comment tu dis que votre ilah, celui que vous adorez, il est au-dessus et il descend et il est au-dessus? Mais ça y est, fahamoun. Pourquoi? لأن التوفيق c'est من الله. Et ça c'est من باب الإيمان المحض. Ça fait partie de l'invisible. Donc on dit Allah subhanahu wa ta'ala il descend et il est fil ulu et il n'y a aucune contradiction et avance. Fais des efforts pour te réveiller le dernier tiers de la nuit et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite, qu'il apaise ton cœur, qu'il le guide et qu'il t'aide à comprendre la voie des salaf. قال. Deuxième question. وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ ثم قالوا et si descend. Vous avez dit qu'il est au-dessus de son trône, il s'est élevé sur son trône, s'il descend. Deuxième Shoba, c'est la même réponse. قال وإذا نزل فالنزول حركة وانتقال. Pour moi, ils ont dit s'il descend. Le fait de descendre, c'est un mouvement. C'est un déplacement. Donc, est-ce que Allah, il fait des mouvements, il se déplace? Et s'il se déplace, ça veut dire qu'il est dans un endroit. Et toutes ces Shubuhat. Tu fermes la porte en taille, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, akhbarana, il est au-dessus. Akhbarana, non, il descend, il descend. Et laissez-moi avec toutes ces choubouhat, tu n'en as pas besoin, et t'artèh. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fa naqul, هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. En une phrase, la réponse d'un imam parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. قال هذا جدال باطل. Ça nous montre qu'on a fait attention de ne pas rentrer dans la polémique. Ma'aoula essaie de répondre. On n'a pas besoin de répondre. Tout ça, c'est batil. Vous avez essayé de comparer Allah à la créature. Ça vous a posé toutes ces problématiques. Et l'un, vous avez des doutes. Et vous essayez d'interpréter. Wahad, il dit un ange. Un autre, il dit Rahman. Un autre, il dit... ils disent même pas la même chose. Kathiran. قال هذا جدال باطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. C'est une polémique qui est fondée sur le faux, sur l'égarement. Et nous, on sait qu'il n'y a aucune contradiction. Allah, il est capable de tout. Aïn al-mani'a. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus et il descend. Aïn al-mani'a. Allah, azza wa jal, il est azim, il est kabir. C'est l'akbar. Azza wa jal. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا. قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. Et c'est ça la référence qu'on doit avoir. الصحابة رضي الله عنهم. Est-ce qu'ils ont entendu ce hadith? On est tous d'accord qu'ils l'ont entendu. La preuve, c'est que Abu Huraira radiyallahu anhu, il l'a mémorisé et il l'a propagé. Naam. Et il n'y a aucun doute que d'autres compagnons, ils ont entendu. On qadr Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est lui qui a rapporté le hadith. Limadha Abu Huraira radiyallahu anhu, il n'a pas posé ces questions. Alors que Haoula, c'était A'lam al-Nas, oui, al-Lugha. C'est les gens qui connaissaient le mieux la langue arabe. C'était leur langue. Leur langue maternelle. Ils parlaient avec cette langue chez eux. Donc ils comprenaient parfaitement ce qu'elle a. فلماذا لا بابوزي لي كيستيون سيت كيستيون باسكو هذا الصحابي اي لي زوتر رضي الله عنهم يزافي الايمان القوي ان النبي صلى الله عليه وسلم ليزا انفورمي دون شوز سي لا فيريتي اي فيك سا في بارتي دي شوز دو لانفيزيبل اي ساريت او نص النبي صلى الله عليه وسلم سي لو فولو اجوتي اون شوز او بلوتو سي لو ريسو لا ريفيلاسيون اون شوز ان بلوس النبي صلى الله عليه وسلم اي لا ترانسمي لو ميساج اي نو لوري دي اي ساريت لا. قال وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخلو منه العرش أو لا يخلو أما العلو فنقول ينزل إلى آخره. هذا الكلام qu'on a cité auparavant. Donc نؤمن أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus ونؤمن أنه il est au-dessus de son عرش ونؤمن أنه il descend. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves sur هذا كله ولله الحمد. كذلك il a cité une autre شبهة et on finit. قال رحمه الله وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا قالوا كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى أوروبا وما قاربها أفيكون نازلا دائما. Ça, c'est une autre question que Wa'ad al-Nas, ils réfléchissent trop dans ce bab. Dans ce bab, tu ne dois pas trop réfléchir. Dans ce bab, c'est al-Iman ou al-Istislam ou al-Inqiyad. Et tu mets en application. Wa'ad al-Nas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais vu que, à notre époque, on sait que les pays, ils ont pas les mêmes horaires. Par exemple, le Fajr, comme a dit Cheikh Mohamed Othaymin, en Arabie Saoudite, c'est à 5h du matin. Thoma en Europe c'est après ou avant. Thoma du côté de l'Asie, l'extrême est, c'est encore avant ou après. Mohim, c'est pas pareil. À chaque fois tu trouveras une partie du globe elle est à l'heure du Fajr. Donc ils ont dit, donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend toujours. Anzur ala su'al qui est fondé sur des choses al haqiqa, elles ne t'apporteront rien comme profit, que des doutes. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فنقول آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين وإذا آمنت ليس عليك الشيء وراء ذلك ولا تقول كيف. سأن جواب سديد جدا. شيخ ابن عثيمين قال أولا on dit à هؤلاء croyez et il a ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend aille dans ton pays. Maintenant Anta, tu vis en Arabie Saoudite, tu vis en Europe, tu vis en Afrique. Tu as la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend à ce moment. Et ça doit te pousser à faire les efforts. C'est ça le but. Tu as cette croyance et essaie de tout faire pour faire partie de ceux qui se réveillent avant le Fajr et qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, quand tu as fait tout cela, là t'as qu'au kayf. Ferme la porte, dis pas kayf. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans tel pays, le Fajr c'est une autre heure, et donc Allah il descend, donc ça il descend toujours, ça va t'apporter quoi? Ça va rien t'apporter. Ce que tu as besoin, c'est bien sûr d'accepter la tribu et de mettre en application, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Cheikh Ibn Uthaymeen, la taqul kayf wa kayf. Vous vous rappelez, anna l'imam Malik, rahmatullah alayhi, quand l'homme lui a dit kayf astawa, ankara alayhi. Ou la haqiqa, c'est une question qui est liée à la tribu de Al-Nuzul. Kayf, kayf. Et comment, si Allah subhanahu wa ta'ala descend dans tel pays, il descend dans un autre, comment on va dire que. On doit fermer ses portes. On doit fermer ces portes qui sont très très dangereuses. قال شمل عثيمين بل قل إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا. نعم. Quand c'est le Fajr في السعودية الله سبحانه وتعالى descend. Quand c'est le Fajr en Europe الله descend. Et alhamdulillah. Et les mu'minun où qu'ils soient quand si j'ai dit le Fajr avant le Fajr. نعم. نعم شيخ ابن عثيمين ماذا قال نعم في ثلث الليل نعم او جي دي افون نسيت مهم سي بيان افون الفجر لو ديرني تير دو لا نوي المهم الحمد لله شاك كرويون الى سيت كونفيكسيون اي اون سارت لا فنسال الله عز وجل الثبات والتوفيق اما الفائده من الناحيه المسلكيه فشيخ ابن عثيمين الى سيتي اي اون ا لو كلام الشيخ سعدي رحمه الله اي لو فات دو فير دي افور بور دوموندي ا الله عز وجل ا سو مومون. Donc le résumé, anna ahl as-sunna yu'minuna anna Allah azza wa jalla yanzil et ad-dalil c'est hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu fi as-sahihayn yanzil rabbuna. Et ils ont la conviction anna Allah azza wa jalla il descend. Et c'est un nuzul haqiqi. Et al-kayfiyya le comment on l'ignore. Et ils ont réfuté ceux qui ont prétendu que c'est un ange ou l'ordre ou la miséricorde qui descend. Il y en a l'ange, l'ordre et la miséricorde, ils ne descendent pas que le dernier tiers de la nuit. Et ils ne descendent pas que jusqu'au premier ciel. Ça nous montre que l'explication, elle est complètement fausse. Thumma, stafadna une thamara azim, on doit faire des efforts pour faire partie de ceux qui font dua à ce moment. Amma, hadhihi asifa, ahlul bid'a, ils ont beaucoup de jidal fiha. Et ils ont des interprétations fausses, c'est pour ça que on a pris le temps de lire Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, car c'est très très important. À ma certains attributs, l'explication elle sera beaucoup plus rapide, inshallah. Naktafi bihada, et on passe à notre deuxième dars, inshallah ta'ala.